Dorca, je ne sais pas ce qui nous arrive. Les schmitts me traumatisent, je noie mes soucis dans la tise. Je cherche la femme idéale, mais où est-elle? En tout cas, sûrement pas dans la bouteille de ce week-end. Le combat, c'est des tas de pas à volonté. Ma vie, c'est des barreaux au cours de promenade pour pomper. Les psychologues voudraient rentrer dans ma tête. Il n'y a plus qu'un épisode, même le héros est un trait. Triste fin pour la nouvelle génération. La route est longue, je redémarre. Accélération dans mon voyage. J'emmènerai pas mon équipe. Je préfère être seul dans ce bus qui est conduit par un flic qui veut me conduire dans une nouvelle habitation. J'ai pourtant signé le bail, mais j'ai pas de félicitations. Tu m'étonnes. Si je suis tombé, c'est à cause d'un manque de discrétion ou d'une grosse pute qui m'y tonne. Parce qu'on veut tous toucher le ciel. On rêve de s'en sortir pendant que les faux portent plainte. Ne veulent pas qu'on réussisse. Le mal nous rattrape, nous met des bâtons dans les roues. Voici pourquoi demain les traîtres seront roués de coups. Parce qu'on veut tous toucher le ciel. On rêve de s'en sortir pendant que les faux portent plainte. Ne veulent pas qu'on réussisse. Le mal nous rattrape, nous met des bâtons dans les roues. Voici pourquoi demain les traîtres seront roués de coups. Des fois je rêve de partir pour esquiver mes peines et puis retrouver le sourire de cette douleur qui me freine. J'ai vu des potes partir parce que la santé nous freine et d'autres prenaient des peines. Putain, j'avais trop la haine. Du 4-9 au 7-5 parce que la vie n'est qu'un rêve. Je me suis souvent bloqué cause aux coups durs que j'encaisse. C'est dur de se lever quand tu dors dehors, quand la rue se sert de toi et puis fait de toi son décor. J'ai vu trop de rêves qui m'entraînent et chaque jour quand je trouvais le sommeil accompagné de ma tise et la crise. Si je te parle de ce rêve, je suis sûrement sous emprise. J'ai vu des familles expulsées, je rêvais de révolution. En cette fin de couplet, je rêvais de toucher la lune d'un monde où on s'en sort tous les jours. On changeait, il paraît que c'est seulement un rêve. Parce qu'on veut tous toucher le ciel. On rêve de s'en sortir pendant que les faux portent plainte. Ne veulent pas qu'on réussisse. Le mal nous rattrape, nous met des bâtons dans les roues. Voici pourquoi demain les traîtres seront roués de coups. Parce qu'on veut tous toucher le ciel. On rêve de s'en sortir pendant que les faux portent plainte. Ne veulent pas qu'on réussisse. Le mal nous rattrape, nous met des bâtons dans les roues. Voici pourquoi demain les traîtres seront roués de coups. Parce qu'on veut tous toucher le ciel. On rêve de s'en sortir pendant que les faux portent plainte. Ne veulent pas qu'on réussisse. Le mal nous rattrape, nous met des bâtons dans les roues. Voici pourquoi demain les traîtres seront roués de coups.